Ont été lancés contre le chef politique du Hamas. Des milliers de fidèles sont allés prier au mur occidental à Jérusalem. Hier encore, Israël voulait croire. Aux efforts menés. La paix.